Quinte, fidèle ami de Lear, s'oppose à ce traitement injuste envers Cordelia et tente de faire entendre raison au souverain qui, excédé, le bannit également. Apprenant le bannissement de Cordelia, le duc de Bourgogne renonce alors à ses vues sur elle, à la différence du roi de France. Charmante Cordelia, toi que la misère rend plus riche, le délaissement plus auguste, l'outrage plus adorable, toi et tes vertus, vous êtes à moi. Qu'il me soit permis de recueillir ce qu'on proscrit. Dieu, Dieu, n'est-ce pas étrange que leur froid dédain ait échauffé mon amour jusqu'à la passion ardente? À lire. Roi, ta fille sans dot, jetée au hasard de mon choix, règnera sur nous, sur les nôtres et sur notre belle France. Et tous les ducs de limite Bourgogne ne rachèteraient pas de moi cette fille précieuse et dépréciée. Dis-leur adieu, Cordelia, si injuste qu'il soit. Tu retrouveras mieux que tu n'as perdu. Elle est à toi, Français. Prends-la. Une pareille fille ne nous est rien, et jamais nous ne reverrons son visage. Cordelia, pars donc, sans nos bonnes grâces, sans notre amour, sans notre bénédiction. Venez, noble bourguignon. Fanfare. Sortent Lear, les ducs de Bourgogne, de Cornouailles et d'Albanie, Gloucester et leur suite. Dites adieu à vos sœurs, Cordelia. Bijoux de notre père, c'est avec des larmes dans les yeux que Cordelia vous quitte. Je sais ce que vous êtes, et j'ai comme sœur une vive répugnance. Appelez vos défauts par leur nom. Aimez bien notre père. Je le confie au cœur si bien vanté par vous. Mais, hélas, si j'étais encore dans ses grâces, je lui offrirais un trône en meilleur lieu. Sur ce, adieu à toutes les deux. Le temps dévoilera ce que l'astuce cache en ses replis. La honte finira par confondre ceux qui dissimulent leurs vices. Puissiez-vous prospérer. Viens, ma belle Cordelia. Le roi de France sort avec Cordelia. Gunneril, sœur, j'ai beaucoup à vous dire sur un sujet qui nous intéresse toutes deux très vivement. Je pense que notre père partira d'ici ce soir. Bien sûr, et avec vous. Le mois prochain, ce sera notre tour. Wigan, vous savez combien sa vieillesse est sujette aux caprices. L'épreuve que nous en avons faite n'est pas insignifiante. Il avait toujours préféré notre sœur, et la déraison avec laquelle il vient de la chasser est trop grossièrement manifeste. C'est une infirmité de sa vieillesse, Gunneril. Cependant, il ne s'est jamais qu'imparfaitement possédé. Dans la force et dans la plénitude de l'âge, il a toujours eu de ses emportements. Nous devons donc nous attendre à subir dans sa vieillesse, outre les défauts enracinés de sa nature, tous les accès d'impatience qu'amène avec elle une sénilité infirme et colère. Nous aurons sans doute à supporter de lui maintes boutades imprévues, comme celle qui lui a fait bannir Quinte. Wigan, la cérémonie des adieux doit se prolonger encore entre le Français et lui. Entendons-nous donc, je vous prie. Si, avec les dispositions qu'il a, notre père garde quelque autorité, la dernière concession qu'il nous a faite deviendra dérisoire. Nous aviserons, Gunneril. Il nous faut faire quelque chose, et dans la chaleur de la crise. Elle sort.